334. Activation, oral and written, immediate future. Listen, answer orally, and complete the written sentences. 1. Qu'est-ce que nous allons apprendre? Deux. Qui est-ce qui va proposer l'histoire? Trois. Ça va être l'histoire de qui? Quatre. Qu'est-ce que nous allons choisir pour les deux jeunes gens? Cinq. Qu'est-ce qu'ils vont avoir? Qu'est-ce que nous allons inventer? Sept. Où est-ce que les jeunes gens vont aller?